parti. Alors Cédric, donc, il y a quelques semaines, tu es donc parti à Riga dans le cadre du Festival des Nuits Blanches. Tu as donc présenté un petit concert là-bas. Quelles sont les principales structures qui sont établies à Riga au point de vue musical? Est-ce qu'on est mieux accueilli par ici? Est-ce qu'il est plus facile de jouer? Ça dépend des scènes en fait. Pour la scène industrielle, c'est devenu à la limite plus facile de jouer là-bas et dans certains pays de l'Est qu'en Europe de l'Ouest en fait. Il y a une faune assez incroyable, en tout cas en Europe de l'Est et en Europe du Nord. Bon, c'est pas très aisé d'établir des structures musicales là-bas, parce que la Lettonie reste un pays pas très riche, quoi. Donc l'État ou les villes ne veulent pas toujours investir dans ce type de culture alternative, même s'il y a des événements qui se font. C'est pas le seul festival, il y a beaucoup de concerts indépendants. Enfin, c'est beaucoup la débrouille, mais ça marche, quoi. Enfin, faut savoir aussi qu'en Lettonie, il y a, on va dire, trois villes principales. Et surtout dans ces trois villes-là, deux ou trois villes qui a des événements, mais la moitié de la population du pays vit dans la capitale, donc... Donc c'est pas plus mal. Qui établit, je sais pas, des modes de sortie assez underground, assez alternatifs, ou alors t'as vraiment trouvé une toute petite scène là-bas? Il y a un peu des deux. En fait, j'ai vu beaucoup de changements. J'ai commencé à aller jouer en Lettonie... À l'âge de 12 ans. Non, hélas, quelques temps... Enfin, plusieurs années après la chute du mur de Berlin, mais bien avant que ça ne rentre dans la communauté européenne. À l'époque, assez forte culture alternative comme maintenant. Évidemment, beaucoup de punk, de metal, de gothique, des choses comme ça. Mais aussi de l'industriel, du dark ambient, du noise, de la musique expérimentale, du free jazz. Mais il n'y avait pas énormément d'établissements qui proposaient de la musique de boîte ou commerciale, etc. Il y avait, je me souviens, un bar qui s'appelle Le Dépôt, dans lequel il y avait moyen facilement d'organiser justement des soirées industrielles et autres, qui existent toujours. Mais ce bar, comme d'autres, organisait d'autres genres de soirées aussi. Or, depuis cette année, je dirais, ça m'a assez frappé, enfin, depuis qu'ils sont rentrés dans la communauté européenne, peut-être un petit peu avant, comme dans bon nombre de pays actuellement, la scène s'est commercialisée énormément, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a plein de bars, de bars afriques, quoi, qui passent que de la dance ou du... pop commercial ou du R&B commercial et des trucs du genre, et c'est parfois devenu difficile de jouer dans ces bars maintenant, alors qu'avant les gens étaient plus ouverts et il y avait moyen, ou il y aurait eu moyen si on s'était présenté ici. Avant de retourner à Riga il y a quelques semaines, j'avais été déjà au mois de février cette année et mixé dans un bar. Au bout d'un moment, on s'est fait jeter parce qu'on faisait fuir les clients, en fait, avec le DJ set qu'on mixait. Ce qui n'arrivait pas spécialement avant, quoi. Avant, ils s'en foutaient, plus ou moins, en général, quoi. Mais une fois de plus, ça dépend où et dans quel cadre, quoi. En tant qu'artiste étranger, on a quand même un bon accueil en arrivant là-bas. Le public te reçoit bien, accepte ce que tu fais, ou c'est vraiment quelque chose de... Ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas, ils viennent là par curiosité, ou alors vraiment parce que c'est la chose à faire le vendredi soir ou le samedi soir, quoi. Avant de répondre complètement à la question, je veux dire qu'avant, les premières fois qu'on a été joué, je crois que ça date d'il y a 6 ans, les premières fois, on débarquait un peu comme des extraterrestres, parce que même s'il y avait une mini-scène électronique ou industrielle là-bas, c'était très punk, ska, rock, metal et autres, quoi. Et les gens, enfin beaucoup de gens qu'on trouvait dans un festival étaient quand même assez sciés de voir ce genre de musique. Qu'on joue de la drum and bass ou l'industriel ou du hardcore ou autre chose, quoi. Et Par rapport à ça, maintenant la scène est vraiment changée parce qu'on a un public qui nous suit dans les pays baltiques. Enfin, surtout Lituanie, Lettonie, l'Estonie, c'est un peu différent. Donc quand on y va, on sait qu'une partie du public nous connaît, nous soutient. Enfin, moi j'y vais presque chaque année depuis 6 ans, quoi. Bon, évidemment, il y a toujours des gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait, mais ça, c'est partout, quoi. De toute façon, c'est une scène quand même restreinte par rapport à toutes ces musiques-là. Mais souvent, l'accueil est relativement positif, de par le fait que la scène industrielle ou underground électronique là-bas soit quand même assez importante dans une certaine mesure. Les gens sont très motivés, et puis, d'autre part, parce qu'ils apprécient découvrir d'autres choses et voir des gens de l'étranger qui n'ignorent pas leur pays. C'est pas un pays très connu, c'est pas très grand, donc ils sont contents que des gens de l'extérieur viennent. Et même à la douane, quoi, même les premières fois qu'on est venu, c'était encore austère à l'époque. Et à partir du moment où les douaniers ont su qu'on venait jouer des concerts, ils avaient un grand sourire, ils souhaitaient la bienvenue. Ce qui est assez marrant parce qu'il y a des pays où ça passe pas toujours très bien. Tout de suite, on veut savoir si on a un permis de travail et des choses comme ça. Alors que là, non. Dès que les gens se rendent compte que on vient se présenter chez eux et qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas des bêtes touristes ou des investisseurs ultra-capitalistes, ils sont vraiment contents, quoi. Tu penses qu'il y a une vraie conscience culturelle de la chose, qu'il y a vraiment une demande pour développer le côté culturel de leur pays, ou alors c'est juste parce que musicalement ils en sont nulle part et non. Un petit peu comme s'ils vivaient notre phase années 80 avec 20 ans de retard. Non, je pense pas que ce soit ça. Le retard a été comblé relativement vite parce que même à l'époque de l'occupation soviétique, il y avait des choses là où en Russie, quoi. Même si c'était bien moindre, mais les gens n'ignoraient pas tout ça, en fait. Évidemment, la scène avait, je sais pas si on peut appeler ça un retard, mais était relativement microscopique, mais tout a explosé vraiment très vite. À partir de 91, que ce soit là ou dans la plupart des pays de l'Est, pas tous, mais presque, ça a très vite bougé. Je ne sais pas pourquoi, j'irais même plus à Riga ou à Vilnius, en Lituanie, qu'en Estonie, assez bizarrement, par exemple, en Estonie ou dans d'autres pays. Et même au niveau de l'administration, des villes de l'État, il se passe des choses, il y a des... Je suis resté là 3 semaines. En 3 semaines, il y a eu 3 festivals. Il y a eu le festival où on a joué les Nuits Blanches, où il y avait de la musique expérimentale, musique électronique, des peintres, des sculpteurs. J'ai, en plus d'un concert, j'ai sonorisé un film de Eisenstein. Il y avait des récitations de poèmes. Sur fond de musique expérimentale en letton, donc. Il y avait un jour avant un festival industriel avec notamment plusieurs groupes belges, enfin, il y avait Dive et Monolith et un tas de groupes locaux. Et quelques temps plus tard, il y avait un autre gros festival qui avait lieu pour la deuxième fois. Sur 2 jours, qui reprend un tas d'artistes de la scène locale, mais aussi des films et vidéos et courts-métrages expérimentaux, beaucoup d'Autrichiens du label Index. C'est le label de la femme de Alvan Otto, en fait, qui est un musicien expérimental qui est basé en Autriche. Il y avait The Liars qui était là, il y avait Wolf Eyes. Il y avait Charles Curtis, il y avait aussi Evan Parker qui était là aussi, Ilian Radig était là également. Enfin, c'était aussi bien les gens de la scène contemporaine, électroacoustique, free jazz, noise expérimental, même dans les groupes lettons, il y en a qui sont relativement connus, et pas seulement en Lettonie, qui jouaient comme Era ou Gas of Latvia, qui ont une certaine renommée là-bas. Gas of Ladia a déjà fait des collaborations avec des officiels de la culture ou du gouvernement, des choses comme ça, des poèmes électroniques et intello, on va dire, entre guillemets, quoi. Et justement, tu m'avais dit, enfin, tu nous avais dit que la, enfin, que Riga, par exemple, et la Lettonie, bon, ils sortent d'une ère soviétique, donc communiste, mais maintenant se normalisent de plus en plus vers quelque chose de plus commercial, de plus justement normatif. Est-ce que ces cultures-là sont bien acceptées dans la vie quotidienne, donc par les autres personnes? Comment on vit quand on est punk ou d'une autre sous-culture comme ça, un petit peu à part? Est-ce qu'on est poursuivi? Est-ce qu'on a des problèmes avec les autorités ou quoi d'autre? Non, il n'y a ni là ni ailleurs, il n'y a plus de problèmes avec les autorités, à part le seul pays qui reste assez tendu dans le genre, c'est la Biélorussie, plus quelques pays asiatiques, genre Kazakhstan et autres, qui sont parfois un peu à vivre, mais pardon. Sinon, à ce niveau-là, ça se passe relativement bien. Il y a plus de problèmes, et par rapport aux gens, ouais, enfin, comme dans beaucoup de pays, on nous regarde, mais moins qu'ailleurs, moins qu'en Belgique en tout cas, bien moins. Je sais pas, c'est assez étrange, mais toute cette culture alternative, punk, metal et skin, qu'elle soit, enfin, skin d'extrême gauche, antiraciste ou d'extrême droite ou anarchiste ou ce que tu veux d'autre, semble fort ancré en fait dans les pays du Nord et dans les pays de l'Est, pour des raisons que je n'explique absolument pas du tout, mais des pays où on en voit bien plus qu'ailleurs, je trouve. Et je trouve que la concentration à Riga est assez faramineuse de punk ou de gens de la scène industrielle, alternative, cyberpunk, gothique, etc. Je connais pas les pourcentages, hein, c'est peut-être ni plus ni moins qu'ici, mais ça me semble être quand même plus qu'ici en proportion. Enfin, je veux dire en Belgique, quoi. Moins que dans les pays asiatiques. Non, enfin, ça dépend quel pays asiatique, en fait. J'irais, ça dépend où on est, des pays asiatiques où il n'y a quasi rien, mais particulièrement à Singapour, en Malaisie, aux Philippines et en Indonésie, la scène punk, metal et skin est assez gigantesque, bien plus que dans certains pays, ici même de l'Europe de l'Ouest, en fait. Est-ce que tu ne penses pas que c'est dans les pays où il y a justement eu plus d'oppression que ces mouvements-là se relèvent plus et trouvent plus en consistance? C'est probablement en grande partie vrai, bien qu'il y ait des exceptions. Il y a des pays où l'oppression est tellement forte, alors perverse, je ne sais pas que la scène est, c'est des pays dans lesquels la scène n'est pas très grande, mais effectivement l'Indonésie a subi un joug, enfin, et même les Philippines, un joug assez faramineux pendant très longtemps, et ça doit certainement être une des causes, parce que la scène aussi bien punk que skin ou même metal, que ce soit black ou death en Indonésie, est très politisée. En général, extrême gauche, communiste, anarchiste, anticapitaliste, antiraciste, etc. Ça c'est évident, quoi. Il n'y a pas que là. Ça paraît étonnant pour beaucoup de gens, mais dans un pays hyper oppressé comme l'Iran, il y a quand même une fameuse, entre guillemets, scène punk aussi à Téhéran, quoi, qui est cachée, évidemment, parce que là, c'est au minimum la prison que ces gens risquent, mais c'est aussi un pays très oppressif dans lequel il y a une sous-culture très très importante, en fait, ouais. Mais à côté de ça, il existe des pays dans lesquels il semble que la culture ambiante générale fasse que ce genre de culture alternative n'existe quasi pas, pour des raisons, encore une fois, que j'explique pas vraiment, comme le Laos, par exemple, il y a rien de rien. Alors qu'en Birmanie, à côté, qui est une dictature une des pires dictatures qui soit, il y a une scène punk. Et même au Laos qui s'est libéralisé, qui est un pays relativement ok maintenant, jamais vu un punk et... Enfin, il y en a pas en tout cas pour l'instant, enfin ni punk ni quoi que ce soit d'autre. Il y a deux groupes metal alternatifs pour le pays. Alternatif, ça veut dire des clones de Limp Bizkit, quoi, qui chantent en là-haut. Et c'est la crème de la crème, alternative dans ce pays, quoi. Et donc pour revenir justement à ces festivals que tu as fait sur Riga par exemple en Lettonie, est-ce que ils ont justement dans cette culture, dans ces sous-cultures, une espèce de réseau en Europe de l'Est qui leur permet de s'entraider entre organisateurs, ou alors est-ce que ce sont des organisateurs bien spécifiques, bien privés, ou est-ce qu'ils sont vraiment aidés par l'État? Alors que, bon, par exemple, ici, une culture pareille n'est pas vraiment subventionnée par l'État, quoi. Est-ce que là-bas, il y a une aide vraiment étatique? Est-ce qu'ils ont un réseau? Comment se débrouillent-ils pour faire venir les gens? Bah, comme dans beaucoup de pays de l'Est, ou de plus en plus même partout, peut-être, l'État se désiste un peu. Enfin là, il ne se désiste pas, je crois qu'il n'a jamais vraiment trop rien fait pour. Enfin, ça dépend du type de festival. Quand c'est un festival plus intello, comme le dernier festival dont je parlais, donc qui s'appelle le festival Forêt... Je sais plus quoi. En fait, c'est quelqu'un qui a un pied dans la culture d'exposition, salle d'exposition, etc. Et qui fait venir des gens qui appartiennent à moitié à la scène alternative, je dirais comme The Liars. Ça reste de la musique alternative, mais ils sont quand même relativement connus. Ou qui font venir des gens de la scène électroacoustique, qui sortent donc d'académie, université, ou de la scène free jazz ou jazz. Donc à partir de ce moment-là, une personne qui fait venir des gens comme ça, même si elle fait venir des gens beaucoup plus alternatifs ou moins connus, elle peut recevoir des subventions bien plus facilement qu'un indépendant qui fait venir de l'industriel vraiment hardcore, quoi. Mais ça dépend une fois de plus des scènes. Si on parle du punk, non, évidemment, ni là ni ailleurs, il y a de l'argent pour ça. Mmh. Et la scène punk est assez importante, mais c'est un autre réseau en fait, qui se tient assez fort. D'ailleurs, il y a par exemple des organisateurs lituaniens qui peuvent organiser des tournées Lituanie, Lettonie, Estonie. Ça se tient assez bien, mais c'est assez alternatif, c'est pas toujours dans des endroits très légaux. Enfin, la police peut parfois intervenir, mais bon, c'est partout la même chose. Si on joue dans un squat en Belgique, ce sera la même chose. Mais pour la scène industrielle, ça dépend. Il y a différents réseaux. C'est souvent des gens qui se connaissent, mais pas toujours des gens qui se supportent. Je veux dire, on s'entraide. Ça dépend. Mais en gros, je crois que c'est la même chose partout ailleurs. Il y a des tensions entre certaines organisations. Mais en gros, la scène se tient parce que je suppose que c'est des gens qui ont souffert très longtemps. Je dirais à l'époque... communistes, socialistes, quoi. Quand ce sont des gens plus âgés, évidemment, il y a aussi beaucoup de gens jeunes qui ont moyennement connu cette période-là. Et donc, ces gens se soutiennent, mais ils organisent un tas d'événements assez inattendus. Enfin, j'avais été joué au mois de février, en plein milieu d'une forêt, sur un vieux bunker russe, par exemple, en plein air. Et il y a des gens qui jouaient dans le bunker aussi. Il y a des gens qui jouaient dans une décharge sauvage, mais dans la décharge même. Et poser les enceintes et tout. Alors là, le concept de free party là-bas, c'est pas le même que chez nous. Mais je dirais que ça se tient, parce que je sais que si j'envoie un email aujourd'hui pour dire dans 3 semaines je débarque, est-ce qu'il y a moyen de m'organiser un truc, je suis sûr à 99% de pouvoir jouer. Parce qu'il y a une infrastructure, il y a une entraide, parce que c'est... Les pays de l'Est, ou même les pays asiatiques, ça reste ou même au Moyen-Orient, et je suis persuadé en Afrique, ça reste des pays de la débrouille, en fait. Ils ont tellement souffert qu'ils ont toujours dû se démerder pour tout, et donc il y a toujours moyen de trouver un plan, quoi. Ici, c'est beaucoup plus difficile, aussi de par le fait que beaucoup plus de groupes et d'artistes se présentent ici pour jouer. Donc tout est overbooké parfois, ou parce que les salles sont trop chères, ou parce que quand on fait ça de manière pas très légale, la police intervient plus facilement. Voilà, en gros, quoi, je pense. Et le futur de ce genre de pays-là, de l'ex-bloc donc soviétique, comment tu le vois avec l'émergence peut-être justement des chaînes commerciales, peut-être de Clear Channel, de la population? Est-ce que tu le vois de façon optimiste ou pessimiste? Moi, comme d'habitude, je le vois de manière pessimiste, pas seulement dans les pays de l'Est d'ailleurs. Ça devient partout la même chose. En Asie, j'ai vu aussi des horreurs, des carrefours à Singapour, en Chine, en Malaisie, un shopping center qu'on est en train de faire au Laos. Et à l'Est, c'est la même chose, quoi. On voit de plus en plus de gros complexes. Même des carrefours dans certains pays de l'Est, il y en a. Je me souviens plus exactement lesquels. Je pense que c'est la Tchéquie et d'autres pays. Mon Clear Channel, c'est peut-être pas pour demain, je sais pas. La scène alternative résiste, en tout cas là-bas. Ici, parfois, ce sont des vendus. J'ai déjà vu un festival c'était du death metal et du grind ici en Belgique. Et c'était Clear Channel qui était derrière. J'étais dégoûté, je comprenais pas que des gens acceptaient de jouer pour ça et de payer un ticket d'entrée pour ça. Là-bas, ça se passe encore bien. Parce que la scène se tient bien et parce qu'il y a un plus gros public que par ici parfois. Donc ils arrivent parfois peut-être avec plus de moyens. Mais et puis mes dernières visites en Lituanie et Lettonie, je voyais à quel point les pays de l'Est, comme tout pays émergent actuellement, pull fric pour certaines personnes. Il y a plein de grosses bagnoles partout, alors que le salaire moyen d'un employé d'État est quelque chose comme 3 ou 4 fois moindre qu'à par ici. Et on voit plein de bagnoles américaines, mais les bagnoles américaines qu'on fabrique pas ici, elles sont importées. Sans compter les Mercedes et d'autres choses, c'est probablement des gens qui n'ont que ça comme richesse, mais ils le montrent, ainsi que leur gros GSM multifonction. c'est pas la majorité de la population, ça reste peut-être une frange minoritaire, mais on les voit de plus en plus, donc on voit que tout vire vers le capitalisme, quoi, et donc la culture virera probablement vers ça aussi, hélas, enfin une partie de la culture. C'est peut-être à ce niveau-là justement qu'on constate une influence de la culture MTV sur... Ouais, ça c'est évident, quoi, enfin, dans la culture MTV, on en voit là-bas comme partout ailleurs, et de plus en plus, ce qui une fois de plus n'apparaissait pas de prime abord auparavant, quoi. Maintenant, c'est... Même si chacun de chacune de ces régions, chacun de ces pays garde toujours une culture propre, évidemment, la culture globale, cheap, commerciale, vraiment toute la crasse, quoi, envahit le monde. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une culture, parce que ce n'est qu'une représentation du capitalisme, de l'ultra-capitalisme, de l'argent. D'une manière de paraître, même pas de vivre, et une manière de faire du fric ou de montrer qu'on a du fric. Mais c'est pas... Je vois pas trop ce qu'il y a de culturel là-dedans, en fait. Y a rien d'intellectuel derrière, y a rien de créatif. Non, c'est peut-être une réaction, tout simplement, après le communisme, des années de privation. Peut-être que justement, là, il se lâche, quoi. C'est peut-être simplement ça, tu crois pas? Si, c'est évident. Enfin, là, comme dans plein d'autres pays, l'ancien bloc socialiste, et pas seulement là, de toute façon, au Moyen-Orient et en Afrique, c'est la même chose, quoi. Non, mais si, ouais, bien sûr, ici aussi, mais c'est pas le même contexte. Mais oui, j'ai eu des discussions avec des gens là-bas qui me disaient... c'est le choc de retour, quoi. On les a privés, puis maintenant ils essaient de se rattraper sans réfléchir, quoi, en disant que maintenant ils peuvent tout avoir, mais sans vraiment se poser la question à savoir qu'est-ce que cela rapporte de plus finalement. En tout cas, merci Cédric pour cette interview. C'est la première des interviews de tes carnets du Bourlingueur. Alternatif. Alternatif, version locale. On te remercie et on te dit à la prochaine fois. Voilà. La prochaine fois, nous allons parler d'un voyage encore plus risqué, on va peut-être le dire comme ça, assez important point de vue justement de la politique de ces pays-là, puisque nous allons parler de ton voyage donc en Israël et notamment à Tel Aviv et Jérusalem. Voilà. Au revoir. Salut.